la religion, c'est le dollar. Forcément, on est les païens. En vérité, on leur fait peur parce que les mots dépassent les gestes. Alors réjecte leurs esquettes. Le rap, c'est pas moi, je mangeais. C'est aussi manche que dans vos têtes. Il fait force encastrée. L'âme du rap, c'est la grand-père. J'y suffis pas d'une dent cassée. Je préfère 10 mecs qui comprennent à 200 000 qui kiffent bêtement. Je préfère 2 filles qui réfléchissent que 40 000 qui quittent en vêtement. C'est 5 000 terres de zèle. Tu prends pas sans cesse. Sans cesse à toi, nous empêche de pouvoir étranger, avancer. Pour le moment, on reste sur place. On se remet nos pieds sur grave. Pas du genre à l'annoncer. Quel type de mec, peu importe où est unique. Pas dans le délire du tuning. Du riche, on en parle à tunique. Et la tunique. Dis-moi, quel côté m'as-tu mis? Apparemment, en 2012, tu réfléchis pas du mythe. Moi, je suis un rat qui traîne. Qui ont des points sombres et inutiles. J'suis pas une star ni un beau gosse. J'ai pas les dents qui s'illuminent. L'air de Zen Rai. Moi, j'invente un style de vie. J'me porte avec une boîte, un stru ou un bon fil. Un fils de riche et je ne veux pas en être un. Le rap mon infirmerie, la fumée de mon médecin. La vie est trop restreinte, mon papa m'a dit c'est la vie. Demi-tour, je maintiens de la tête, tous les soirs les nerfs à vif. Je me sers de la rime pour pouvoir me sentir mieux. Je m'en bats les couilles des Ferrari, je veux juste des centimes. Sentir eux, une dernière fois encore mon cœur bat. C'est rare quand je suis tranquille, tout comme c'est rare quand le cœur bat. J'aimerais partir me barrer de là. Vivre de mon son et puis aller de l'avant. Ramener de la bombe pour tous les puristes. Sorte à la longue de baiser la République. Quel type de mec, peu importe où est unique. Pas dans le délire du tuning. Du riche, on n'a pas la tunique. Et la tunique. Dis-moi, quel côté m'as-tu mis? Apparemment en 2012, tu réfléchis pas, tu mises. C'est 5000 R de zèle. Tu pourras me senser. Sans cesse à toi, je nous empêche de pouvoir étranger, avancer. Pour le moment, on reste sur place. On se remet nos pieds sur grave. Et pas du genre à l'annoncer. Quel type de mec, peu importe où est unique. Pas dans le délire du tuning. Du riche, on n'a pas la tunique. Et la tunique. Quel côté m'as-tu mis? Apparemment en 2012, tu réfléchis pas, tu mises. Quel type de mec, peu importe où est unique. Pas dans le délire du tuning. Du riche, on n'a pas la tunique. Et la tunique. Dis-moi, quel côté m'as-tu mis? Apparemment en 2012, tu réfléchis pas, tu mises.